Du jamais vu chez Delbo Automobile et jusqu'à la fin du mois seulement. À l'achat d'un modèle 2018 en inventaire, nous payons les 12 premiers mois de votre financement. Vous avez bien entendu, un an de paiement à nos frais à l'achat d'un Chevrolet Silverado 2018, d'un GMC Sierra 2018, d'un Buick Enclave 2018 ou encore d'un GMC Acadia 2018 en inventaire lors d'un financement de 96 mois. Nous avons encore 11 unités disponibles. Venez faire un essai routier chez Delbo Auto, votre concessionnaire Chevrolet Buick GMC. Il y avait une conférence de presse à Philadelphie hier où on a présenté Alain Vigneault comme nouvel entraîneur-chef des Flyers de Philadelphie. Il y a eu une appel-conférence avec les médias québécois également. Et dans un premier temps, Alain Vigneault mentionne que les négociations avec les Flyers ont commencé immédiatement après la fin de la saison. Disons que la saison a terminé, je pense, un samedi. Et puis, mon ancien gérant des Rangers m'a contacté le dimanche. C'est ça, le dimanche, pour me dire que il y avait deux formations qui avaient demandé la permission de me parler. Et puis, mes premiers contacts avec Chuck Fletcher ont été le lundi. Donc, on s'est parlé le lundi. On s'est parlé au téléphone à quelques reprises pendant la semaine. Et puis, Chuck est descendu en Floride le samedi pour me rencontrer personnellement. Et puis, on s'est reparlé le dimanche. On s'est entendu sur un contrat, les modalités d'un contrat, et puis ça a été annoncé lundi. La seule raison que j'ai... Alain Vigneault a parlé de qu'est-ce qui a motivé le choix des Flyers de Philadelphie, selon l'instructeur québécois, le fait que les Flyers ont d'excellents joueurs pour remporter la Coupe Stanley au cours des prochaines années, à peser lourd dans la balance. J'avais un pressentiment là, que j'aurais des chances, si je voulais, d'avoir une autre opportunité de diriger dans la Ligue nationale. Et puis, pour moi, il y avait... trois caractéristiques là, qui étaient importantes dans ma prise de décision. Un, la première caractéristique, la première importance, c'était une fois que j'ai analysé le personnel des Flyers, une fois que j'ai analysé les possibilités qu'on avait pour améliorer cette formation-là, dans ce qui manque, on dit en anglais, mon bucket list, là. Deux fois, j'étais allé en finale de la Coupe Stanley, il me manque une Coupe Stanley. Je pense vraiment, après avoir analysé la situation ici à Philadelphie, qu'on peut gagner, et puis dans un avenir rapproché, on a une bonne chance de pouvoir gagner la Coupe Stanley. Donc, ça, c'était le premier critère, la possibilité de m'en aller dans un endroit où on avait une chance de gagner... sans dire rapidement, mais à plus ou moyen terme. Et puis, le deuxième critère, aucun doute que c'était la relation que je pouvais avoir avec mon gérant. Une relation de confiance, une relation aussi où on pense sans dire la même chose, mais il y a beaucoup des critères qu'on voit pour être en mesure qu'on est d'accord pour mettre une équipe gagnante sur pied. Donc, quand j'ai parlé avec Chuck, quand on s'est rencontrés personnellement, on a fait le tour de la question et puis ça, c'était un autre crochet. On avait beaucoup de similitudes dans ce que ça prenait pour avoir une formation gagnante. Puis le troisième critère, bien, c'était de travailler pour une organisation de première classe. Dans la parité qu'il y a maintenant au niveau de la Ligue nationale, ça prend un engagement total de la part des propriétaires pour être en mesure d'avoir, à mes yeux, une chance de gagner. Et puis, après avoir encore une fois parlé avec Paul Holmgren et parlé avec Chuck, il n'y a aucun doute que cet engagement-là, on l'a ici à Philadelphie. J'avais travaillé personnellement pour les Canadiens de Montréal, pour les Canucks de Vancouver et puis les Rangers de New York. Trois organisations de première classe, trois organisations qui s'occupent de leurs joueurs, de leur personnel d'une façon exemplaire. C'est ce que je recherchais et c'est ce que... L'année sabbatique a permis à l'instructeur québécois de se rapprocher de sa famille. Différente, donc. Cette année, je n'avais pas l'opportunité de diriger. Personne ne m'avait parlé. Donc là, ben, qu'est-ce que tu fais avec ça? Mais pour moi, ça m'a donné l'opportunité de me rapprocher de ma famille, rapprocher de mes deux frères, Andréane et Janie, passer Noël et le jour de l'an pour la première fois depuis 15 ans chez nous dans l'Outaouais. Mes parents qui ont 85, 86 ans, avoir toute la famille et les petits-enfants ensemble, t'es très content de ça. Ça m'a permis de, un, travailler sur mon golf. Ça n'a pas été un succès, mais j'ai travaillé dessus. J'ai recommencé à jouer au tennis avec mes amis ici, qui sont ici en Floride. Donc, écoute, j'ai pris cette opportunité-là pour profiter de la vie, profiter ce qu'il y avait devant moi. C'est évident là, que je regardais le hockey attentivement, mais tu ne regardes pas le hockey de la même façon que quand tu travailles pour une formation à temps plein. Mais j'ai suivi le hockey est en bonne santé, est tellement compétitif. J'ai adoré ce que j'ai vu cette année. Puis là, ben, quand la saison a fini, ben, j'ai eu différentes possibilités. Puis la meilleure possibilité que j'avais devant moi, c'était... En terminant, Lavigneau a parlé de sa sélection avec l'équipe canadienne comme instructeur-chef, l'équipe canadienne qui va participer au championnat du monde. Et Lavigneau mentionne qu'il a des choses à améliorer. C'est pour cette raison qu'il a accepté le poste. Du hockey, je sais que je dois m'améliorer dans certains aspects. C'est certainement une des raisons pourquoi j'ai accepté d'aller diriger l'équipe nationale. C'est quelque chose que j'ai jamais fait. C'est quelque chose, à mes yeux, qui va m'apporter, qui va m'amener une nouvelle expérience, qui va faire de moi un meilleur entraîneur. Donc voilà, c'était les principaux commentaires d'Alain Vigneault lors d'un appel conférence qui a lieu hier avec les médias québécois.